Campé sur un terrain de camping, encombré de voitures, de tentes et de caravanes, non merci. Ce qui compte en vacances, c'est le calme et le confort, vous ne trouvez pas? Mon rêve, c'est d'aller à l'étranger, n'importe où. En Angleterre, en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Je crois que c'est l'Espagne que je préfère. L'Espagne est un pays que j'aime beaucoup. Ce que je veux, c'est voyager. J'aime les voyages, et même les voyages organisés. Je trouve que c'est agréable de n'avoir aucun souci. Une agence retient vos places, dans le train, dans l'avion et à l'hôtel. Vous ne vous occupez de rien.